Regarde les étoiles là-haut, elles brillent la nuit quand il fait beau. Sais-tu que ces boutons d'or s'allument quand on s'endort? Y en a tellement, tellement de milliers, que déjà rien que pour les compter, il faudrait, mon biquet, des années, des années. Il faudrait, mon biquet, des années, des années. Regarde les étoiles là-haut, elles brillent la nuit quand il fait beau. Elles remplacent le soleil juste pendant ton sommeil. Elles sont tellement, tellement éloignées que même avec une bonne fusée, il faudrait, mon biquet, des années, des années. Il faudrait, mon biquet, des années, des années. Regarde les étoiles là-haut, elles brillent la nuit quand il fait beau. Le ciel s'est enjôleur, a mis son chapeau à fleurs. Elles sont tellement, tellement, tellement loin que pour les cueillir avec les mains, il faudrait, mon biquet, des années, des années. Il faudrait, mon biquet, des années, des années.